Vasco Nduiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 31 juillet 2020. Voici les grands titres de cette grande édition de la mi-journée. Les musulmans du Burundi se sont joints aux autres du monde pour célébrer ce vendredi la fête d'Eid al-Hajj, l'une des fêtes les plus importantes du culte musulman, dite aussi la fête du mouton. Le vice-président de la République du Burundi, qui a représenté à ces cérémonies, qui a représenté le gouvernement à ces cérémonies à Bujumbura, appelle les musulmans à s'atteler aux travaux de développement. Et le chef de zone Mwakiro de la commune en commune Mwakiro de la province Muyinga a été arrêté ce jeudi par la police alors qu'il tentait d'assassiner l'administrateur de cette commune. Vous en aurez les détails. Les habitants de la province Kayanza se réjouissent des recommandations issues de la réunion tenue par le nouveau gouverneur de la province Kayanza la semaine dernière et qui interdit les rondes nocturnes par les civils. Voilà pour les grands titres. Rebonjour. Le chef de zone Mwakiro de la commune Mwakiro en province Muyinga a été arrêté ce jeudi par la police alors qu'il tentait d'assassiner l'administrateur de cette commune. L'administrateur de la commune Mwakiro, Sylvie Muhimundu, l'avait interpellé pour qu'il présente des explications relatives aux faits lui reprochés, à savoir la coupe des arbres du domaine de la commune à des fins personnelles. Il s'est alors présenté en possession d'un grand couteau caché dans ses chaussures et dont il allait se servir pour le tuer, selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Heureusement, il a été maîtrisé par un policier avant de commettre le forfait. Les musulmans du Burundi se sont joints ce vendredi aux autres du monde entier pour célébrer la fête d'Eid al-Hajj, dite la fête du mouton. Kassim Jafar, porte-parole de la communauté islamique du Burundi Komibou, explique que cette fête est un signe qui marque la fin du pèlerinage à la Mecque, un cinquième pilier de l'islam. Il appelle les musulmans à partager avec les autres. On l'écoute. C'est la fête qui marque la fin du pèlerinage qui se faisait normalement à la Mecque. L'autre signification, c'est l'héritage que nous héritons de notre ancêtre Ibrahim, là où il a voulu donner son enfant comme sacrifice à Dieu, et puisqu'il était vieux, un vieux de 70 ans, qui n'avait pas d'enfant et qui donnait des sacrifices du bétail, mais... Et il a demandé à Dieu un enfant et il a annoncé que si Dieu lui accorde cet enfant, il l'offrirait comme sacrifice à Dieu. Alors Dieu lui a donné un fils unique. Donc, mais comme récompense, Dieu a descendu un mouton venant du ciel et son mouton a été sacrifié à la place de l'enfant. Et même Ibrahim a partagé le mouton avec ses proches, et les pauvres, les orphelins. Alors c'est aussi l'héritage que nous héritons d'Ibrahim que nous sacrifions. Et ce bétail afin que nous puissions partager dans l'amour, dans la cohésion sociale, partager ensemble sans distinction de race, sans distinction de religion, de la couleur de la peau. Donc c'est la fête pour tout le monde et nous avons l'obligation de s'aimer l'amour en partageant ces sacrifices que nous allons donc donner aujourd'hui. Et c'est aussi la façon de s'approcher du Seigneur Allah. Alors c'est l'occasion de prier pour nos dirigeants, afin qu'ils puissent gouverner dans la paix, dans la sérénité. Donc nous demandons à la population burundaise, tous ensemble, de combattre contre le coronavirus en suivant les mesures qui nous sont données par le ministère de la Santé publique et de lutte contre le sida. Sachez que dans ces cérémonies, le gouvernement du Burundi a été représenté par le vice-président de la République, Prosper Bazombanza, qui appelle les musulmans à s'atteler aux travaux de développement. Et 250 litres de boissons prohibées dites Mudrinki ont été déversés par la police en collaboration avec l'administration provinciale de Mwaro dans la matinée de ce vendredi sur les collines Nebisoro et Nyakiwari de la commune Kayokwe. Deux personnes accusées de fabrication de cette boisson ont été appréhendées par la police. Le matériel utilisé dans la fabrication de cette boisson a été également saisi selon le gouverneur de la province Mwaro. Le colonel Gassanzwe Gaspard, ce responsable administratif, conseille aux personnes qui fabriquent encore de telles boissons d'y renoncer car elles sont nuisibles à la santé et handicapent leur développement. Et les habitants de la province Kayanza se réjouissent des recommandations issues de la réunion tenue par le gouverneur de la province Kayanza. C'était la semaine dernière. Ces habitants donnent à titre d'exemple la suspension de la patrouille nocturne qui était menée ces derniers jours par des civils. Ils disent que ces gens les malmenaient et spoliaient même leurs biens. C'est un reportage de notre correspondant Patrick Nsengiyumva. Contactés à ce sujet, les habitants de la province Kayanza, surtout les jeunes, disent qu'ils se réjouissent beaucoup de cette décision. Ils témoignent que ces civils qui patrouillaient la nuit les malmenaient et souvent spoliaient leurs biens quand ils y rentraient la nuit. Cette autorité provinciale est entrée en fonction depuis le 13 du mois courant et parmi les projets phares lui ont mis par son prédécesseur, figurent principalement la finalisation du stade moderne d'Ogatuaro ainsi que le suivi et l'encadrement des travaux d'aménagement des marais hydro-agricoles de la Ruvubu. Cette réunion, tenue la semaine passée par le gouverneur de la province Kayanza, en vue de la présence des fonctionnaires de l'État, les différents chefs de service et les représentants des confessions religieuses. Rémi Tshishahai, gouverneur de la province Kayanza, a sans mâcher les mots précisés qu'il ne tolérera jamais quiconque fera ou participera dans des actes de nature à violer les droits de la personne humaine, qui que ce soit. Aussi, la sécurité de la nuit n'est assurée que par les agents de la police et le rôle de la population est seulement de renseigner en cas d'insécurité, ajoute Rémi Tshishahai, gouverneur de la province Kayanza. Ainsi, cet administratif a dit que la patrouille nocturne qui a été assuré par les civils ces derniers jours est désormais suspendu. Depuis Kayanza, Patrick Nsengimba pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Et le décret numéro 100/079 du 26 mai 2020 portant convocation des électeurs à l'élection des conseils de colline ou quartiers des chefs collinaires ou des quartiers précise dans son article 2 que la campagne électorale pour l'élection des conseils collinaires ou des quartiers des chefs collinaires ou des quartiers est ouverte à partir du 1er août jusqu'au 21 août 2020. Cet article signale que pendant cette période, la campagne électorale commence à 6h et prend fin à 18h chaque jour. En outre, il informe que toute propagande en dehors de la période fixée est interdite. Ce décret a été signé par le président de la République le 30 juin 2020. Adoption en Conseil des ministres des 29 et 30 de ce mois de juillet du document retraçant l'exploitation des minerais au Burundi, se référant sur le plan national de développement 2018-2027. Dans un compte rendu, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement fait savoir que cette exploitation minière va générer une valeur ajoutée de 40% chaque année. Prosper Naurguamie déclare aussi que la valorisation du potentiel minier au Burundi peut contribuer à la croissance économique et sociale du pays. Suivez-le. Le Burundi dispose d'un potentiel minier riche et varié dont une valorisation rationnelle permettrait de financer significativement la croissance économique et le développement social. Conscient de la nécessité de valoriser ce potentiel pour en faire un levier de développement, le gouvernement du Burundi a initié une large consultation avec tous les intervenants dans ce secteur pour l'élaboration de cette politique. Conformément au plan national de développement, le secteur des mines et carrières, tout comme les autres secteurs, doit construire sa politique et un plan d'action pour contribuer au développement du pays. Au cours de cette période, allant jusqu'en 2027, il est attendu que la valeur ajoutée dans la branche de l'extraction minière croîtra au rythme annuel moyen de 47%. La valorisation permettra de financer significativement la croissance économique et le développement social. Cela ne sera possible que si la politique minière est adoptée. Ce document de politique présente les stratégies qui orientent la politique du gouvernement pour arriver à une gestion efficace du secteur minier. Elle donne également les orientations pour l'utilisation des revenus miniers en faveur du développement communautaire durable. Après échange et débat sur ce document de politique, le Conseil des ministres l'a adopté, moyennant des recommandations à tenir en considération. Prosper Nargwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Les statistiques à la disposition de l'organisation locale de lutte contre la traite des humains montrent que le nombre de victimes de la traite des personnes au Burundi a plus augmenté en 2019 qu'en 2018. Un constat du président de cette organisation qui trouve que le gouvernement devrait délivrer des cartes nationales d'identité numérique pour limiter le nombre de victimes. Maître Prime Mbarubukeye l'a dit hier à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains célébrée le 30 juin de chaque année. On l'écoute. D'après les statistiques de l'ONRC Tué ton frère, le nombre de victimes de la traite des personnes au Burundi a considérablement augmenté en 2019, plus qu'en 2018. En effet, en 2018, les effectifs de victimes équivalaient à 33,55% au moment où les effectifs de 2019 sont estimés à 66,44%, soit une augmentation très sensible de 32,89% par rapport aux statistiques de l'année précédente, 2018. La cause majeure est certains agents des services ayant la fabrication et l'octroi des documents de voyage au Burundi en profitent justement pour en délivrer peut-être d'une façon anarchique ou d'une façon frauduleuse et cela justement constitue à gonfler le chiffre ou les chiffres des victimes de la traite. Autre facteur, nous trouvons au niveau de notre organisation ONL Situé Ton Frère que c'est la situation liée au fait que les parents ont déjà démissionné par rapport à l'éducation qu'ils devraient donner à leurs enfants. Ce qu'il faudrait faire, il faudrait que le gouvernement signe un accord de coopération bilatérale d'échange de main d'œuvre entre le Burundi et ses pays de destination des victimes de la traite en provenance du Burundi, parce que finalement nous trouvons que ceux qui sont en train de tomber entre les mailles du filet du trafiquant sont victimes d'une certaine tromperie, d'une certaine fraude et de fausses promesses d'emploi à destination, alors qu'arrivés à destination, les victimes se rendent compte qu'on leur a trompé vraiment. Nous voudrions justement conseiller aux jeunes Burundais de ne pas seulement miser sur l'extérieur du pays. Maître Prime Mbarouke est président de l'organisation de lutte contre la traite des êtres humains. Des habitants de Chumba, en commune Muyinga, réclament le lancement des activités d'un site de collecte et de traitement des déchets en vue de produire du fumier. Les travaux de construction du site ont été achevés depuis 4 ans. Le conseiller économique gouverneur de la province Muyinga promet un démarrage des activités dans un futur proche. Dieudonné Zeyman. La voix est celle d'une cultivatrice de la zone Chumba. Elle parle d'un manque à gagner occasionné par une infrastructure de traitement de déchets en engrais organiques. Nous sommes au sommet de la colline Chumba. Des bassins de traitement des déchets aménagés depuis 5 ans n'ont pas encore fonctionné. Des paysans croisés non loin du site révèlent ce qui était leurs attentes. Celle-ci indique qu'on leur avait signifié qu'on allait traiter la fumée organique sur place. Nous espérions avoir du fumier à des prix raisonnables, signale un autre. Leur souci, voir les travaux démarrer, ça serait illogique que 2 millions de francs burundais investis disparaissent dans la nature, signale une habitante de Chumba. Les déchets à traiter sur le site devraient être collectés en ville de Muyinga, 5 ans déjà. Des enjeux de transport, dont des camions de vidange, stationnent dans les enceintes de la régie des eaux de Muyinga. Bonne Jumaïne, conseiller économique du gouverneur de la province Muyinga, tranquillise. Il ne reste que l'étape de remise à la commune Muyinga de son matériel acheté dans le cadre du projet d'assainissement de certaines villes des pays de l'EAC. Les déchets seront traités comme prévu sur le site aménagé. Chumba, Dieudonné Zeymana, Radio Isanganiro. Merci Dieudonné. De l'environnement encore, ce sera pour boucler l'actualité nationale. Du matériel constitué notamment des vêtements appropriés, des bottes, des tentes, matelas et autres équipements ont été remis ce jeudi soir aux éco-gardes de la province Rumonge. Jean-Marc Massatungimana, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement qui présidait cette opération, dit que ce matériel facilitera le travail de ces éco-gardes, obligés souvent de patrouiller même la nuit. Les bénéficiaires sont appelés à en faire un bon usage. En actualité internationale, Human Rights Watch dénonce une véritable entreprise criminelle agissant dans le parc des Virunga en RDC. Selon un rapport de l'ONG, ces groupes criminels non identifiés ont enlevé d'avril 2017 à mars 2020 au moins 170 personnes. Il s'agit en majorité des femmes et des filles qui sont torturées, violées tous les jours et certaines tuées. Des crimes commis jusqu'ici en toute impunité malgré la présence dans un rayon de 10 km des forces de défense et de sécurité congolaises, d'une base de la MONUSCO ainsi que des centaines de gardes du parc des Virunga. En RDC, c'est aussi la colère des députés provinciaux sans salaire depuis plusieurs mois. La crise touche les institutions politiques, particulièrement au niveau provincial. Dans la majorité des 26 provinces que compte le pays, les députés provinciaux accusent plusieurs mois d'arriérés de salaire. Mercredi, leurs délégués ont manifesté devant les locaux du bureau du Premier ministre sans être reçus. Ce jeudi, ils ont pu finalement échanger avec le ministre des Finances. Enfin, Le Zimbabwe se prépare à un vendredi sous haute tension aujourd'hui donc, alors que l'opposition politique appelle à manifester ce 31 juillet contre la corruption au sein du régime. Le gouvernement lui a prévenu qu'il ne tolérera aucun rassemblement. Les autorités ont d'ailleurs imposé un couvre-feu et une interdiction d'auto-rassemblement de plus de 50 personnes dans le cadre des mesures pour lutter contre le coronavirus. Il est 13h10 à Bujumbura et sur les Sanganilo. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également merci à François Akimana pour la mise en onde. Au micro Jean Bosco Nduimana, passez un très bon après-midi et une très bonne fête aux musulmans.